soir là, nous que fait un petit sorti. Faut mettre des belles anneaux. En belle paire soulier et en belle petite robe moulante. Là, c'est bifou, moi je l'ai senti. Même si des fois, moi super énervé. Ça n'a pas fait rien, c'est la vie qui a continué. Anti-Guadeloupéenne, anti-Martiniquez là. Faut sentir, vous voulez parler, oh. Faut sentir, vous voulez parler. Anti-Guadeloupéenne, anti-Martiniquez là. Faut sentir, vous déposer, oh. Anti-Guadeloupéenne, anti-Martiniquez là. Faut sentir, vous voulez parler, wow.